La maison a une belle façade en pierre, un beau portail et une grande cour intérieure. Les autres locataires sont assez sympathiques. Le propriétaire est plutôt désagréable, mais nous ne le voyons presque jamais. Je le vois à la fin de chaque trimestre quand je vais lui payer le loyer. Notre appartement a 7 pièces, sans compter le vestibule et les water. Nous avons 3 chambres, une pour mon fils, une pour mon mari et pour moi, et une chambre d'amis. Le salon est immense. Il a 7 mètres sur 6. La salle à manger est un peu moins grande. Nous prenons nos repas à la cuisine, sauf quand nous avons de la visite. En hiver, la salle à manger est très froide. Et puis, pour la maîtresse de maison, il est beaucoup plus simple de servir les repas à la cuisine. J'ai tout le confort moderne. Une cuisinière électrique avec un bon four, un grand frigidaire, un évier en acier inox et tous les gadgets modernes. Cocotte minute, grille-pain, batteur électrique, mixeur, machine à laver la vaisselle. Ma cuisine est très gaie. Les murs sont peints en bleu clair et en bleu foncé. Les boiseries et le plafond en gris. Par terre, j'ai un beau carrelage beige et marron. Tout à l'heure, Guy et Marie-Claire vont venir dîner chez nous. Ah, voilà mon mari. Donc, il est 7 heures moins le quart. Il est très ponctuel. Ah non, il est 7 heures moins 10 à la pendule.